Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coûts humains. Cette semaine, attentat du 13 novembre, les dessous d'un procès historique. Une série de Michel Pomarède, réalisée par Julie Béressy. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que ce mercredi 8 septembre 2021 a commencé le procès qui pendant 9 mois va se tenir dans le palais de justice, dans une salle provisoire immense pensée pour l'événement. On y retrouvera les avocats et les victimes qu'on a entendues dans la série et qui vont devoir s'approprier les lieux. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, un vieux palais, une dessinatrice qui observe la lumière sur les vieilles pierres et se demande comment faire entrer les presque 700 mètres carrés de cette salle aux teintes beige et tout le reste dans sa feuille de dessin d'audience quand elle sera au cœur du procès. Mais pour commencer, troisième épisode, on s'installe dans un café. Attentat du 13 novembre 2015, les dessous d'un procès historique. Michel Pomarède, Julie Béressy. Une salle d'audience sur mesure. Boulevard du Palais, en plein Paris. D'un côté, le palais de justice. De l'autre côté, le café des deux palais. Une espèce d'épicentre de rencontre du monde judiciaire. Et en terrasse, vous, Noël Ehrenschmidt, vous êtes aquarelliste et reporter, et en fait, vous avez dessiné depuis des années, on va dire presque 30 ans, des procès, mais aussi des lieux de pouvoir de la capitale, l'Assemblée nationale, l'Académie française plus récemment, le Palais de justice, et vous avez aussi dessiné le café des deux palais. Effectivement, être ici, ça me rappelle des souvenirs qui datent quand même de 1993. J'ai commencé à faire un reportage sur le Palais de justice, dans ces années-là, pendant 3 ans. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au palais de justice? On s'assied forcément sur une chaise du café des deux palais, puisqu'on est face à la façade, face à l'entrée. Premier choc, s'asseoir devant une petite noisette et de regarder ce qui nous attend de l'autre côté de la rue. Et je dois dire que j'ai passé un temps fou dans ce lieu. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où les avocats rencontrent les clients. C'est avant. Par exemple, je rencontre quelqu'un qui dit à un avocat qui dit « Prochaine étape, je vais contester ». Ensuite, on revient après le procès, gros choc. Donc, il se passe, c'est presque une antichambre et une après-chambre de ce qui se passe dans le palais. C'est très serré au niveau des contacts. Quelquefois, on voit beaucoup d'avocats avec la robe, comme là tout à l'heure, sur la chaise. Ils vont y aller et c'est un lieu extrêmement important affectivement. Et d'une façon géographique, j'allais dire. Donc vous vous êtes assise de nombreuses années ici, guettant, croquant les avocats et leurs clients, mais vous avez aussi traversé la rue, Noël Ehrenschmidt, vous avez passé de nombreuses années au sein du palais de justice. Racontez-moi le ressenti de rentrer dans ce lieu du pouvoir judiciaire. J'y suis allée d'abord parce que j'avais rencontré Pierre Truche au procès Barbie. Pierre Truche, après avoir été procureur au procès Barbie, est devenu président ici, de la Cour de cassation. Donc je suis allée le rencontrer après avoir fait un reportage au Vietnam. Je lui ai montré ce que j'avais envie de faire au niveau reportage et il m'a dit c'est parti, 3 ans de reportage dans tous les lieux de haut en bas du palais de justice. Donc je débarque, je passe la porte, j'avais déjà à l'époque ma carte de presse de journaliste, puisque j'avais travaillé longtemps pour Bayard Presse. À l'époque, quand on dessinait pour même un groupe de presse jeune, on avait sa carte de journaliste. J'entre, on monte le petit escalier, on présente sa carte, on fait passer ses affaires sous le portique de sécurité et on arrive très rapidement où ? Dans la salle des pas perdus. Une salle énorme, c'est la première salle avec un volume grand à ce point. Et je me souviens m'être dit, ma vieille, tu vas faire comment pour faire entrer la salle des pas perdus dans un format 32-41. Et ça a commencé, l'aventure a commencé dans cette salle des pas perdus. Alors, est-ce qu'on peut la voir, cette salle des pas perdus que vous avez dessinée, Noël Ehrenschmidt? C'est une salle des pas perdus qui, à l'époque, était encore habitée par des groupes, soit d'avocats, soit des gens qui venaient regarder, qui venaient visiter, mais c'était aussi encore un lieu de rencontre. Et ce qui est frappant, c'est que dans les dessins qu'on voyait, on voyait aussi bien un avocat avec sa robe qu'un notaire sur le point de prêter serment dans son habit du tiers état. C'est-à-dire que c'était un théâtre. J'ai dit que c'était un théâtre à l'époque, je le redis. C'était un théâtre où se mélangeaient les catégories de justice du public. Je ne suis pas sûre que maintenant ce soit la même chose. Les années venant, je pense que cette salle, petit à petit, s'est vidée. Mais c'est une salle qui dégage quelque chose, puisque toutes les portes, comme la première chambre où a été jugée Marie-Antoinette, donnent dans la salle des pas perdus. Et quand on fait des procès, c'est là que ça se passe, c'est là que sont les journalistes, c'est là que sortent et qu'entrent les prévenus. Donc c'est une salle essentielle. Mon problème de dessinatrice, c'est que je me suis dit, comment je fais ? Et j'ai mis beaucoup de temps à piger et à faire entrer cet énorme volume dans mon papier à dessin, et quand j'y suis arrivée, pour moi, c'était formidable. Ça y est, j'avais gagné encore quelque chose au niveau de l'aquarelle et du dessin. On entre par la galerie des prisonniers. Voilà, la galerie des prisonniers. Et ce qui est extraordinairement fort, c'est la régularité de ces chauffages qui sont en bronze. Et alors, je ne peux pas vous dire, ça scande littéralement à la fois la galerie des prisonniers, la salle des pas perdus, et ça n'a pas changé. Ça, quand j'y suis retournée, je les ai retrouvés. Ces masses noires donnent quelque chose de très fort sur cette pierre qui est dorée. Parce que tout l'intérieur du palais, c'est une pierre dorée, avec des éclairages différents suivant le moment de la journée. J'étais honnêtement fascinée. Et encore maintenant, je suis fascinée. Toutes les salles de la première chambre dont je vous parlais, dans lequel j'ai suivi beaucoup de procès, donnent sur la salle des pas perdus. Et à l'époque, vous saviez aussi, la salle où avaient lieu les enchères, avec les ventes, la chambre décriée. Toutes les salles, on peut dire, donnent sur ce lieu qui est fédérateur. Est-ce que c'est cette salle des pas perdus, est-ce que c'est une salle silencieuse ou c'est une salle qui bruisse de murmures, mais des murmures de l'histoire ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une époque, tout le monde me l'a dit, où tout se passait dans cette salle. Les rencontres entre les prévenus, entre leurs avocats. Comme les salles autour se sont multipliées, c'est une salle devenue beaucoup plus silencieuse. Mais ce qui est formidable de faire ce que j'ai fait, vous vous asseyez sur un des bancs, c'est entouré de bancs en pierre, vous regardez et vous essayez de savoir qui est qui. Et même quand ils n'ont pas leur robe, vous sentez si c'est un avocat. Vous sentez, je ne veux pas dire, ils ont l'attitude de leur fonction. Et ça, je trouve, c'est une histoire humaine formidable. C'est un lieu plus forcément d'écoute, parce que, encore une fois, il y a moins de monde, mais qui raconte totalement ce qui se passe autour. Noël Ehrenschmidt, quittons votre dessin, montons les quelques dizaines de marches du palais de justice et rentrons dans le hall et retrouvons l'architecte en chef des monuments historiques, Christophe Boutineau. Christophe Boutineau, vous êtes l'architecte en chef en charge des monuments historiques. Nous sommes dans la salle des pas perdus du tribunal de Paris. D'abord, replantons le décor. Cette salle des pas perdus, en quoi est-ce qu'elle a un caractère historique ? Alors, c'est plus que la salle des pas perdus qui a un caractère historique, c'est l'ensemble du palais de justice de Paris, parce qu'initialement, c'est le palais de la cité. Et aujourd'hui, quand on vous parle d'un lieu de pouvoir de l'ancien régime en France, tout le monde pense à Versailles, mais Versailles n'a été un lieu de pouvoir que pendant deux siècles. Ici, vous êtes sur le lieu du pouvoir politique, avec tout ce que cela comprend de pouvoir régalien, dont la justice, depuis la naissance du royaume de France jusqu'au XIVe siècle, avant que le roi ne parte s'installer au Louvre. Donc on est dans un lieu majeur où il y a une épaisseur historique absolument unique au monde, et surtout dans le domaine de la justice, parce que on y rend la justice, et là exactement où nous sommes, on rend la justice depuis l'Antiquité romaine, depuis les tout premiers siècles de notre ère, et ce jusqu'à aujourd'hui, de façon totalement continue. Donc c'est ça qui fait déjà la puissance patrimonial, la richesse patrimoniale, l'épaisseur patrimoniale, parce que le patrimoine, c'est pas que la matière, il y a aussi le patrimoine immatériel de ce lieu. Donc ce palais s'est construit à partir de tout le quart nord-est du palais, exactement là où nous sommes, et puis s'est étendu au fur et à mesure jusqu'à atteindre des dimensions, ces 4 hectares qu'il représente aujourd'hui au sol, qui sont l'emprise du grand palais royal des Capétiens. Alors, la salle proprement dite, c'est un sujet majeur dans le palais. Un palais, ça se compose d'une aula, la grande salle, justement. C'est le lieu de réception, c'est le lieu de la diplomatie, c'est le lieu des banquets qui sont des grands banquets diplomatiques. Tous les grands événements ont lieu là. Ça se compose d'une caméra, la chambre. Ce n'est pas la chambre où on dort, c'est la chambre où on entend aujourd'hui la chambre des députés, par exemple. La chambre où se prennent les décisions, où le roi, avec ses conseillers, vont prendre les grandes décisions du royaume. Et la capella, la chapelle, qui est la sainte chapelle, ici, en l'occurrence, au palais de justice. Ce sont ces trois unités qui font un palais. Et ça, depuis le palais d'Aix-la-Chapelle, le palais carolingien, le palais de Charlemagne, à Aix-la-Chapelle. Donc là, on est vraiment dans une des unités majeures de l'identité d'un palais royal, qui est aujourd'hui un sujet majeur de l'identité du palais de justice de Paris. Sous nos pieds, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon un peu extensive, la conciergerie, mais ce sont les grandes salles voûtées médiévales qui portaient la grande salle médiévale, et le volume dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est celui de la grande salle médiévale. Alors, sa forme, son architecture ne sont plus les éléments d'architecture médiévaux, bien sûr, mais nous sommes sur le volume exact de la grande salle médiévale. Ce qui est très important, et par rapport au sujet dont nous allons parler après, c'est que différentes structures cohabitent et ont cohabité au cours du temps. Et c'est ça tout l'enjeu de la création de cette salle d'audience pour les grands procès dans le palais. Nous avons en dessous une salle médiévale qui était faite pour recevoir une grande salle, celle qui a disparu, qui était voûtée uniquement en charpente et qui donc ne représentait pas le même poids que la salle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et puis, cette salle a disparu, elle a été remplacée par une autre salle au XVIIe siècle, construite par deux grands architectes, les frères Salomon de Brosse, les grands architectes du XVIIe siècle français, et une salle qui ressemblait très fortement à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui, elle, est le fruit des travaux du XIXe siècle, des architectes Duc et Daumet, mais qui ont repris la géométrie, le tracé de la salle du XVIIe siècle, qui s'était en partie effondrée au début du XIXe siècle, puisque son poids n'était pas adapté aux salles médiévales qui sont en dessous. Donc ça rejoint la problématique actuelle de la création de cette grande salle d'audience provisoire pour les grands procès qui vont s'ouvrir à partir du mois de septembre et dont tout le monde a entendu parler, créer une grande salle d'audience pour 500 personnes, créer une grande salle d'audience qui accueille les prévenus dans des conditions de sécurité optimales et draconiennes. Ça nécessite la création d'ouvrages extrêmement lourds. Or, les piliers, on voit ici que la grande salle dans laquelle nous sommes est composée de deux vaisseaux, il y a deux nefs, hein, comme dans une église, hein, c'est le même principe, avec des voûtes qui reposent sur des piliers centraux. Et les piliers centraux eux-mêmes sont centrés sur les piles médiévales qui sont en dessous. La salle, elle, s'étend bien au-delà, elle s'étend à cheval sur ces deux vaisseaux, et il fallait donc s'assurer que cette surcharge ne vienne pas déséquilibrer un ensemble qui est un ensemble fragile par définition en termes d'équilibre structurel. Comment est-ce que concrètement vous avez travaillé notamment avec Béatrice Bouton qui est l'architecte qui a conçu la salle ? Alors, nous n'avons pas travaillé directement avec elle. C'est le maître d'ouvrage de l'opération, l'APIJ, l'Agence pour l'immobilier de la justice, qui est l'opérateur, le maître d'ouvrage, le client, avec qui nous étions en contact, et nous avons d'abord regardé en amont quels étaient les possibles. On a d'abord fait une étude de faisabilité. Il y a une limite à la capacité des lieux. On ne peut pas forcer les lieux au-delà de leur capacité, hein, mais on a d'abord défini ce qui était possible. À partir de là, les architectes et ingénieurs qui ont conçu cette salle, eh bien, ont pris en compte ces données, puis ensuite sont revenus vers nous toujours au travers de l'Agence pour l'immobilier de la justice, en proposant des projets et des façons de se... La question, c'est comment reporter les charges. La salle repose sur les voûtes. Alors évidemment, on ne peut pas reporter les charges sur le dessus d'une voûte. Ça, on comprend tout de suite. Hein. C'est vraiment les voûtes d'une église. On voit ce qui s'est passé à la cathédrale de Paris quand la charpente s'est effondrée et est venue percuter les voûtes qui sont en dessous. Ce sont les mêmes voûtes hein, que nous avons sous nos pieds actuellement. Et donc, ils ont fait différentes propositions et on a regardé avec eux comment on pouvait intelligemment reporter les charges sur les points porteurs, c'est-à-dire les piles qui sont au centre de la salle, qui séparent les deux vaisseaux, et éventuellement sur les murs latéraux. Et puis, ensuite, il y avait un deuxième sujet, parce qu'évidemment, on pouvait toujours s'ancrer en partie supérieure sur ces piles, mais le problème, c'est que cette salle est une salle provisoire, elle n'est pas faite pour rester là ad vitam, et il faut que demain, lorsqu'on retirera cette salle, à une date que je ne connais pas aujourd'hui, et le provisoire a une certaine tendance à durer, en général, chez les hommes, eh bien, il faut surtout qu'elle ne laisse aucune trace, aucun impact sur cette magnifique grande salle des Pas-Perdus. Donc, on a travaillé sur des reports de charges dans les parties qui sont en dessous des niveaux de sol, donc sur des ouvrages que l'on ne voit pas, de manière à rendre ça totalement réversible et que demain, lorsque cette salle sera retirée, on n'en ait plus de traces, qu'elle n'ait pas eu d'impact sur cette œuvre majeure de l'architecture. Jonathan Humez, devant nous le panneau passage interdit. Là c'est pour les curieux, pour éviter que les gens rentrent dans la salle et dans la salle des Pas-Perdus et fassent le tour de la salle d'audience. Vous, votre rôle à la Pige, c'est quoi? Alors moi je suis directeur de programme à la Pige, donc l'agence pour l'immobilier de la justice. Donc moi je suis en charge des projets sur le palais de justice de l'île de la Cité. Alors, quand on regarde le site internet de l'APIJ, donc l'agence publique pour l'immobilier de la justice, on a l'impression que toute la France est en travaux. De Cayenne à Lille, à Mont-de-Marsan, des centres pénitentiaires, des tribunaux sont soit en réhabilitation, soit en création. Est-ce que c'est une image fidèle de ce qui se passe à l'APIJ en ce moment? Alors, oui, je pense qu'on peut dire que c'est une image fidèle, parce que l'APIJ suit, sur tout ce qui est opérations pénitentiaires, une trentaine d'opérations en France et en Outre-mer. Et sur les opérations de palais de justice, une quinzaine d'opérations. Donc, à la fois des petits palais de justice, des gros palais de justice à Nancy, à Lille. Il y a eu bien sûr le projet des Batignolles pour le nouveau TGI et puis mon équipe sur le projet du palais de justice de l'île de la Cité. Ce projet-là, il a commencé quand pour vous concrètement? Alors le projet de la salle d'audience, le top départ, le feu vert a été donné par la chancellerie en avril 2019. Donc on était sur un délai relativement court pour à la fois réaliser les études qui se sont déroulées à peu près jusque fin 2019. Et ensuite, on avait 9 mois de travaux, sachant que le procès initialement était prévu en janvier 2021. Après, on a eu le Covid, etc. Donc, il y a eu un report d'audience. Donc, ça nous a laissé du temps pour pouvoir finir la salle d'audience. Donc là, on touche au but, finalement, Jonathan Humez. Là, la salle est achevée. On a remis les clés à la cour d'appel le 15 juin. Donc, il y a forcément des réglages. Et il est prévu des marches à blanc, c'est-à-dire des mises en condition pour s'assurer que l'ensemble, notamment de tout ce qui est équipement technique, fonctionne bien pour le jour de l'audience. On entend encore derrière nous des ouvriers en train de travailler. Tout à fait. Alors c'est ce qu'on appelle la levée des réserves, c'est-à-dire qu'on a réceptionné, mais il y a toujours des petits points à améliorer au niveau du matériel, du mobilier, etc. Donc les entreprises viennent régulièrement certains jours pour venir lever ces réserves. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, après quasiment 2 ans à porter ce projet? On est content de l'avoir achevé dans les temps, ça c'était le premier sujet. On est content d'avoir eu le feu vert de la commission de sécurité pour ouvrir la salle. Donc pour nous là on est dans les temps, donc bon, il reste la levée des réserves. On a toujours des inquiétudes sur des potentiels dysfonctionnements qu'on va découvrir au fur et à mesure. Ce qu'on espère, c'est avoir le temps de lever ces dysfonctionnements avant le lancement du procès. Donc là, c'est une porte où il y a marqué quoi ? Donc là, on passe par l'entrée des témoins, parce que l'accès principal est actuellement fermé. Là, nous sommes entrés dans la salle d'audience par l'entrée des témoins. Jonathan Dumas, avec qui avez-vous travaillé pour concevoir cette salle ? J'imagine donc l'architecte qu'on va entendre plus tard, mais est-ce que des chefs de cour, qui comme conseiller s'est réuni autour de vous pour commencer à plancher, à réfléchir sur la création de cette salle d'audience ? Alors, on a travaillé avec beaucoup de monde. D'abord avec notre service de la programmation au sein de la PIJ, qui a l'habitude de faire des programmations pour tout ce qui est nouveau palais de justice. Avec la cour d'appel, avec les chargés de mission auprès du premier président et de la procureure générale de la cour d'appel. Bien sûr, avec les chefs de cour. Avec le commandement militaire, beaucoup d'échanges. En fait, ça a été un processus tant en phase d'études qu'ensuite en phase travaux pour les ajustements, pour s'assurer que ça répondait bien à leurs besoins. Il y a eu des réunions régulières toutes les semaines, des comités de pilotage, etc. Enfin, ça a été des échanges très nourris pour arriver à ce résultat. Jonathan, vous citez par exemple le commandement militaire, c'est-à-dire que en termes de sécurité, il y a un focus principal sur cette thématique depuis le départ. Oui, c'est un procès qui est sensible. Et quoi qu'il en soit, on est au sein du palais de justice, donc c'est le commandement militaire du palais de justice qui en charge la sécurité du palais, de l'amener des accusés, etc. Donc forcément, on le voit pas quand on est dans la salle, mais il y a tout un enjeu de sûreté et de sécurité autour du procès qui a été vu notamment avec le commandement militaire, mais également avec la préfecture de police qui s'occupe de la sécurité autour du palais. Donc on est à la fois dans un lieu historique, puisqu'on voit les statues, on voit les colonnes qui ont été préservées, mais on est aussi dans un cadre tout à fait moderne, puisqu'il y a des haut-parleurs, des écrans, je vois la régie vidéo derrière nous, les caméras, j'en vois au moins une, je pense qu'il y en a 8 qui sont disséminées dans l'ensemble, avec une cinquantaine de micros. C'est bien ça ? Oui, alors tout à fait. On a effectivement installé au fond de la salle une régie professionnelle avec 3 objectifs. Tout d'abord, filmer les retransmissions. Filmer, parce que c'est un procès dit historique, donc pour les archives. Et ensuite, il y aura probablement une mise en place d'une web radio au vu du nombre de parties civiles pour ceux qui ne se déplacent pas forcément. Donc il y a une régie professionnelle et du coup, après, tout le matériel dans la salle qui va bien pour enregistrer et filmer les débats. Les salles de retransmission, parce qu'il y a 1760 parties civiles, plus de 300 avocats. La salle d'audience, au final, permet d'accueillir environ 500 personnes. Du coup, tout le monde ne pourra pas venir dans la salle d'audience. Et du coup, il est prévu un système de retransmission dans les différentes salles du palais pour notamment les jours d'affluence, pour pouvoir accueillir un maximum de public et de parties civiles. Est-ce qu'on peut jeter un œil à ces différentes salles ? C'est ouvert ou pas ? Oui. Juste passer à droite comment on appelle ça ? C'est des rayons X. Comme si on était dans un aéroport là. Oui, ça c'est pour les filtrages, donc ces deux éléments là ils se retrouveront de l'autre côté de la salle. C'est pour lors des sorties d'audience, pour à nouveau contrôler les gens qui souhaitent revenir dans la salle. Donc là on est rentré dans une petite salle. Oui, donc ça c'est la salle des criés qui servira de salle pour les journalistes. C'est une des premières salles en fait autour de la salle des pas perdus, autour de la salle d'audience. Donc on a 4 salles qui seront utilisées. Une salle pour l'aide aux victimes, pour les associations d'aide aux victimes. Une salle pour la presse. Une première salle de retransmission pour 150 personnes. Et ensuite une salle pour le greffe. Voilà. Un mot de description de cette salle, donc des écrans vidéo, quelques bancs. Là aussi, on va dire l'histoire côtoie la modernité, parce que les écrans plats, là, ça n'existait pas à l'époque, j'imagine. Non, alors tout ça a été équipé effectivement par la cour d'appel. Sur le descriptif de la salle, c'est l'architecte en chef des monuments historiques, parce que le bâtiment est classé monument historique. Donc on travaille avec M. Christophe Bottineau, architecte en chef des monuments historiques, notamment dans le cadre de la restructuration globale du palais, pour une réhabilitation globale bâtiment par bâtiment, et donc notamment des salles d'audience qui sont classées monuments historiques. Un mot quand même sur cette réhabilitation globale du palais de justice ici au centre de Paris, parce qu'on a l'impression que tout était parti dans le 17e arrondissement. À quoi va servir cette réhabilitation au fond ? Qui reste ici ? Qui reste ? Bah, il reste, on a toujours la cour d'appel. La cour d'appel et la cour de cassation. On a également, il ne faut pas l'oublier, la préfecture de police qui a des locaux sur place et le centre des monuments nationaux avec la conciergerie et la Sainte-Chapelle. Donc après, sur le projet de restructuration globale, le palais de justice est composé de 6 bâtiments, un grand carré de 400 mètres sur 400 mètres, et on va aller restructurer bâtiment par bâtiment sur plusieurs années. Jonathan, une nouvelle salle, beaucoup plus grande. Donc ça servira de salle de retransmission. Ce sera la première salle de retransmission pour le public et les parties civiles. Elle permet d'accueillir 150 places. Donc, ce qui fait déjà sur le plateau avec la salle d'audience, ce qui fait déjà 650 places pour le public. Donc là, on voit effectivement 4 rangées de bancs, la place de la cour où j'imagine les gens pourront aussi s'asseoir et au moins 2 écrans vidéo. Ouais. Une question peut-être un peu naïve, que va devenir cette salle d'audience ? Elle est conçue donc pour ce procès des attentats de 2015, on annonce déjà la délocalisation du procès des attentats de Nice en 2023, mais au-delà ? Alors ça a toujours été clairement une salle provisoire. Après ce premier procès, il y aura probablement, s'il y a appel, il y aura l'appel de ce procès, Nice. Après ça, c'est la cour d'appel qui va gérer l'organisation des procès dans cette salle, et un jour elle sera démontée. Donc totalement démontée, remise dans un camion et au revoir cette salle de grand procès. Oui, totalement démontée, oui. Julien Quéré, au sein du tribunal, votre rôle c'est quoi ? Je suis conseiller à la première présidence à la Cour d'appel de Paris et je m'occupe notamment des assises, de l'organisation des assises, des dossiers terroristes et donc très naturellement de l'organisation du procès du 13 novembre 2015. Alors tout le monde a un badge, mais vous avez une clé. Alors c'est vraiment très, très ponctuel. Là en l'état et depuis quelques semaines, il y a une seule clé pour accéder à celle d'audience et c'est vrai que j'en ai cette lourde responsabilité. Et voilà, on peut rentrer. Est-ce que vous pourriez me dire, l'un et l'autre, quel était votre rôle concret, vous, peut-être, de conseiller sur la confection de la salle, la fabrication, peut-être l'esthétique, des choses peut-être aussi symboliques pour rendre la justice à partir du 8 septembre 2021 ? Alors, à partir du moment où la pige a été saisie de ce dossier, j'ai d'abord joué un rôle de consultant juridique parce que même s'ils ont l'habitude de construire des palais de justice, cette salle d'audience a une spécificité, c'est une salle d'assises qui a une ampleur assez exceptionnelle et du coup on a travaillé avec la Pige et le cabinet d'architecture pour la disposition notamment des acteurs du procès parce que dans une salle aussi grande on a un petit peu modifié certaines choses, notamment le prétoire qui a un aspect un peu particulier par rapport au prétoire qu'on peut connaître dans d'autres salles d'assises à Paris. Il y a aussi une inversion du box des accusés qui est passé de droite à gauche. Alors les box, c'est une question qui s'est posée. Ici, on a été un peu contraint de le mettre à gauche, entre les piliers. C'était sa place la plus évidente. Dans les salles d'assises, le box n'est pas forcément à droite ou à gauche. C'est un choix ici qui a été fait, mais qui est purement architectural. En termes de circulation, donc on est au cœur donc, du palais de justice. On rentre aujourd'hui encore assez aisément avec du public qui va voir la conciergerie. Qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre ? Est-ce que des touristes vont continuer à aller admirer la conciergerie ? Est-ce que un autre flux va se destiner à cette salle ? Comment tout ça va être géré ? Alors on a décidé avec la première présidence de distinguer les flux. Un flux dédié à V13, au procès des attentats du 13 novembre, pour les professionnels de ce procès, pour la presse, pour les parties civiles évidemment, et puis le flux habituel du palais de justice, donc qui comprend à la fois, vous venez de le dire, les personnes qui ont vocation à aller à la conciergerie ou à la Sainte-Chapelle, mais aussi toutes les personnes qui assistent aux audiences de la Cour d'appel de Paris, et il y en a 250 par semaine. Julien Carré, je disais donc que vous avez, vous, la seule clé de cette salle. Quel a été votre rôle et quel est votre ressenti aujourd'hui de voir la salle quasi finie ? Mon rôle, ça a été celui que j'ai partagé avec Julien Petit. Les défis architecturaux étaient grands pour l'Agence pour l'immobilier de la justice. On avait la nécessité de faire une grande salle d'audience tout en restant fonctionnelle, et il fallait que ça soit une salle d'assises. Donc, comme l'a dit Julien, au départ, on a eu plus un rôle de consultation juridique pour dire comment doit être positionner une salle d'assises, quelle salle il faut réserver, les places pour les détenus, etc., etc. Pendant un très long moment aussi, on a étudié, je ne vais pas vous dire chaque centimètre carré, mais avec eux, c'était des images de synthèse encore à l'époque, il y a plus d'un an, pendant le confinement. Certes, le chantier avait été interrompu, mais avec la pige, on continue à travailler avec eux, ils nous montraient les images de synthèse, et on travaillait sur le box, sur la table de justice, sur le placement de l'huissier, du greffe, etc., etc. On a mené avec le parquet général des réunions aussi avec des groupes de référents avocats, côté défense comme partie civile, et ça nous a permis de faire évoluer le projet. C'est un exemple comme un autre, mais il a fallu travailler pour rajouter des tablettes et des pupitres supplémentaires pour les avocats de la défense. Donc ça, c'est des choses qu'on a demandé à la pige en fonction de leurs contraintes, et ils ont réussi à mener tout ça à son terme. On travaillait aussi, parce que concomitamment, on avait le procès des attentats de janvier 2015. Donc on a fait un retour d'expérience aussi sur ce qui s'est passé au tribunal judiciaire des Batignolles, où il était délocalisé exceptionnellement, parce qu'on était sur le chantier de cette salle d'audience. Et un petit retour d'expérience qui est anecdotique, mais en réalité qui ne l'est pas, c'est la taille des tiges de micro pour les avocats. Dans la mesure où, au Batignolles, donc pendant le procès des attentats de janvier 2015, les avocats se plaignaient de devoir se baisser quand ils parlaient à la cour. Donc on a demandé à la pige d'avoir des tiges de micro les plus longues possibles, mais tout en gardant une bonne qualité. Donc tout ça, c'est une succession, c'est ce que je dis souvent, de contraintes et de compromis qu'il fallait faire pour la salle. Combien de salles autour de cette grande salle vont être équipées pour une retransmission, voire même des échanges avec cette salle ? Alors, côté cour d'appel, les chefs de cour ont insisté sur le fait que la cour d'appel doit continuer à avoir son activité normale. Donc, on a beaucoup de salles d'audience qui seront mobilisées pour les autres audiences. On aura d'autres procès terroristes, par exemple, concomitamment à celui du procès du 13 novembre. Donc, il a fallu ménager certaines salles pour l'activité normale de la cour d'appel. En revanche, on en a équipé plus d'une vingtaine qui sont susceptibles d'être mobilisés pour les retransmissions de ce procès qui est bien entendu hors norme. On espère pouvoir en utiliser une dizaine pour permettre à l'ensemble des parties civiles de s'asseoir et de suivre les débats. Concernant l'interactivité, c'est la fin de votre question, il y en a une seule qui sera interactive, c'est l'ex-première du chambre du TGI. Là encore, c'est un peu un retour d'expérience du procès des attentats de janvier 2015. Il ne fallait pas multiplier les salles interactives. Premièrement, parce que c'était peu utilisé par les avocats. Et deuxièmement, parce que ça permet pas forcément la fluidité dans la conduite des débats à l'audience. Donc on s'est dit avec le président d'audience, avec les avocats, avec tout le monde, qu'une salle interactive devait suffire, eu égard notamment à cette grande salle d'audience principale. En termes personnels, est-ce que il y a de la satisfaction, on l'entend, mais est-ce qu'il y a aussi de l'émotion de voir cette salle, avoir vu le jour, dans cette salle des pas perdus, et donc cette espèce de confrontation de la modernité et de l'histoire ? De l'émotion, oui, je ne vais pas vous mentir. Quand la pige a livré la salle à la cour d'appel, je pense que tout le monde était un peu ému, les chefs de cour, la pige. Bon, c'est un travail colossal qui a été mené pendant plusieurs mois. Après, il faut que l'émotion passe aussi. Et on en revient à notre exercice professionnel. Notre exercice professionnel, c'est de faire en sorte que la cour d'assises puisse conduire cette audience dans les meilleures conditions possibles. Nous pensons qu'on leur a mis un bel outil entre les mains. Il y a encore du travail, il y a des ajustements à faire, des marches à blanc à effectuer. Mais on pense avoir déminé un certain nombre de sujets. Mais je pense que oui, côté cour d'appel, on est fiers de la réalisation de cette salle et de toute l'organisation qui va avec. On est aussi assez fiers, au-delà de l'objet architectural, de mettre à disposition des avocats, pour les avocats, pour les victimes, encore une fois, un outil de qualité qui leur permettra, on l'espère, de suivre cette audience qui ne sera pas comme les autres. Il faut avoir aussi l'honnêteté de se le dire. Ça va être particulièrement douloureux, dramatique pour les parties civiles de revivre cette soirée du 13 novembre. Il faut aussi se rappeler qu'on juge 20 accusés qui sont poursuivis devant la cour d'assises. Il y aura 14 présents, 11 détenus et 3 sous contrôle judiciaire. Et là aussi, il faut se rappeler qu'on va juger des hommes qui encourent des peines lourdes. Donc il fallait aussi mettre à disposition de la défense un outil de qualité. Julien Carré, il y a déjà eu des répétitions dans cette salle. Des avocats ont siégé, se sont assis, qui sur son banc de la défense, qui sur son banc des parties civiles. En quoi vont consister les marches blanches? Est-ce qu'on va extraire les accusés pour les mettre dans le box? Est-ce que le président va venir? Est-ce qu'un faux public va venir pour gérer la circulation des flux? Ça consiste en quoi, les marches blanches? Alors, c'est pas les marches blanches, parce que les marches blanches, ça fait penser à des manifestations après un drame, donc c'est bien des marches à blanc. Des marches à blanc, pardon. Donc on a profité pendant tout le mois de juin, et on va encore continuer au mois de juillet, on devait effectuer un certain nombre de réunions qui nous ont permis de faire des répétitions thématiques. Donc ça va de l'utilisation du micro, au multimédia, à la visioconférence, etc. etc. Et donc c'est vrai, par exemple, que le président d'Assise a invité l'ensemble des avocats à la procédure pour venir, c'était le 18 juin dernier. C'était une réunion à vocation juridictionnelle. Il y avait des questions qui se posaient sur l'organisation juridictionnelle du procès. Mais nous, de notre côté, côté logistique et organisation, c'est vrai qu'on en a profité pour que la régie fasse ses tests, fasse ses plans de caméra, etc., etc. La marche à blanc en tant que telle, on va la faire fin août. Et là, c'est vrai que c'est une sorte de... ça s'appelle une marche à blanc. On va essayer de jouer une audience normale avec, en revanche, des faux détenus, peut-être des vrais avocats d'ailleurs. Il y aura des scénarios. Il y a plein de personnes qui vont faire des figurants. Il y aura les parties civiles, les avocats de parties civiles, les avocats de la défense, du greffe, du magistrat, du public. Il y a par exemple la partie civile qui a oublié son badge. Et donc il va falloir que le gendarme, normalement, lui explique que sans son badge, elle n'a pas le droit de rentrer. Ou sinon, vérifier sur un listing que le gendarme puisse laisser rentrer la partie civile. Il ne le fera qu'en ayant appelé un vacataire ou le greffe pour qu'on vérifie si la personne a bien le droit de rentrer. Donc c'est plein de petites choses comme ça. J'ai en tête aussi ce qu'on avait fait pour les attentats de janvier 2015. C'est un accusé détenu qui ne veut pas monter du dépôt, et dans ce cas-là le greffe doit aller le voir, doit lui signifier avec un huissier d'ailleurs. Donc on va essayer de refaire des situations qui se produisent en vrai lors de vrais procès, et essayer de voir si tout est à peu près réglé. Vous rappelez avoir vu passer l'appel d'offres et comment vous avez réagi? Est-ce que ça fait tilt tout de suite? Comment ça s'est passé dans votre tête? Oui, bien sûr. On avait un petit peu senti que derrière les termes de salle provisoire pour une capacité importante, il y avait peut-être effectivement quelque chose qui se cachait. Et effectivement, dès qu'on a compris quel était l'enjeu, c'était effectivement, on était très très motivés et surtout très émus, bien sûr, quand on a appris qu'on était retenus, voilà, pour ce projet. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à me montrer, des premières esquisses peut-être de cette salle, peut-être sur un téléphone portable ou on a quelques... Non, c'est pas sur un ordinateur, mais c'est les premières esquisses, effectivement. Formidable, voilà. Vous pouvez les regarder? Oui. Parce que d'habitude, vous, dans votre agence, comme vous êtes architecte, vous concevez quoi comme projet? Alors, en fait, on est arrivé, si je puis dire, sur ce projet, pas complètement par hasard. D'abord parce qu'on travaillait déjà depuis longtemps pour le ministère de la Justice, alors sur des projets moins ambitieux, des tribunaux d'instance, des rénovations partielles aussi qu'on avait pu mener au sein du palais de justice de Paris, ici. Donc on connaissait les lieux, c'était pas une inconnue. Et ce qui nous a attiré, c'était le terme provisoire, parce que on réalise des bâtiments industrialisés. Donc comme cette structure provisoire, elle devait forcément être conçue de manière préfabriquée, industrialisée, donc c'était vraiment le mariage entre la connaissance de l'existant, et puis bien sûr du ministère de la Justice, et un procès déconstructif inédit pour cette salle, effectivement, qui venait s'insérer dans un bâtiment et pas n'importe lequel. C'est-à-dire que, expliquez-moi en termes d'architecture, qu'est-ce que ça veut dire provisoire? C'est-à-dire que là, tout est démontable, rien n'a été, vissé. Enfin, ça veut dire quoi, provisoire ? Oui, c'est ça. C'est que c'est entièrement réversible, comme vous l'avez dit. On pourra tout déposer sans altération aucune au bâtiment, puisque le bâtiment est inscrit, monument historique, en intégralité. Donc ça voulait dire qu'il ne fallait pas que la greffe prenne et que surtout, elle puisse ne laisser aucune trace. Donc les poteaux que vous voyez ici viennent s'ancrer environ un mètre en dessous de la surface là, du sol. Et il suffira de démonter les dalles de pierre pour les enlever, démonter effectivement, dévisser les ancrages et puis remettre les dalles. Et il n'y aura pas de traces après coup. Le plancher est aussi posé sur le sol. Et l'autre partie de la structure, puisque la salle fait 20 mètres, vient reposer sur aussi des longerons en métallique qui seront entièrement déposés. Un œil, Béatrice Mouton, donc sur les premières esquisses peut-être. Voilà. Là, ici, on voit un petit peu l'entrée, l'effet un peu de lanterne magique ici avec ce produit ici qui est un polycarbonate alvéolaire, donc un produit léger parce qu'il fallait choisir des matériaux qui n'alourdissent pas trop la structure puisqu'on vient se poser sur la salle de la conciergerie, sur ses piliers. Donc, c'était important de maîtriser le poids dans toutes ses composantes jusqu'au choix des matériaux de finition. Et puis là, la fameuse passerelle qui disparaît et qui était aussi un enjeu assez fort puisque cette passerelle irrigue tout le bâtiment au niveau technique et au niveau également de tous les accès des détenus et des escortes. Le jeu de miroir, là, on est à l'entrée. Pourquoi ce jeu de miroir ? Mais pour faire disparaître cette passerelle, précisément, parce que c'était un élément important qui était indispensable puisque la salle, elle est entièrement ouverte sur trois côtés. Le quatrième côté contre lequel elle se situe, c'est une paroi qui n'est pas du tout accessible. Or, il fallait amener l'électricité, l'air conditionné, le chauffage. Donc, tout cet élément contribue à ça. Il fallait bien sûr le relier. Et donc, pour laisser de la place au public, cette passerelle est quand même imposante et on voulait qu'elle disparaisse. Donc, ce procédé, effectivement, je crois, a permis d'arriver un peu à ce qu'on ne prenne pas cet élément en pleine figure à l'entrée de la salle. Mais Béatrice Mouton, est-ce qu'il y a eu des mots-clés échangés avec les gens de la Pige ou du ministère de la Justice, comme, je ne sais pas, sobriété, neutralité ? Est-ce que vous vous rappelez de l'ambiance qui présidait à la création de cette salle d'audience ? Oui, c'était tout à fait ça. Dignité, offrir un cadre à la hauteur des événements qui allaient être jugés. Et effectivement, la sobriété, je crois qu'on a été d'accord tout de suite avec le ministère de la Justice et la Pige en particulier, qui a suivi ce projet, pour que les choses soient simples et qu'il n'y ait pas de surcharge inutile et de discours qui viennent percuter celui qui allait être... se tenir dans la salle. Ici, c'est la maquette. Donc, la Pige avait souhaité qu'on travaille en maquette. Et effectivement, c'était ce qu'il y avait de mieux pour pouvoir communiquer. Parce que imaginer un bâtiment, c'est déjà pas simple quand on le connaît pas. Mais quand c'est un bâtiment dans un bâtiment, c'est encore plus complexe. Et donc, la maquette a été un bon moyen de pouvoir communiquer. Donc, on voit cette maquette avec ses deux travées. Et puis, le bâtiment qui vient s'insérer dans ce volume qui représente 2000 m² de surface environ. La maquette, elle était prête à partir de quelle date pour vous ? Elle a été prête tôt parce que c'était une maquette d'études qu'on a faite au sein de l'agence, une maquette classique, en carton, pas de choses compliquées parce que c'était vraiment pour communiquer avec principalement les magistrats, pour qu'ils comprennent bien l'environnement et comment les flux allaient s'organiser parce que c'était vraiment l'enjeu, les flux du public, les flux des magistrats et puis bien sûr les flux des détenus et de leurs escortes. Donc la maquette était un bon moyen. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler quand on est architecte avec un magistrat en face de soi ? Est-ce qu'il y a une solennité ? Est-ce qu'il y a des exigences qui sont différentes, j'imagine, quand vous travaillez avec un acteur privé ? Alors écoutez, pour ce projet, et comme le rappelait le secrétaire général lorsqu'il y a eu la remise des clés officielles du projet, eh bien ils ont été très, très discrets, ils ont laissé beaucoup de liberté, ça a été très appréciable. Ils ont donné les directives, qui étaient les directives du ministère pour la conception d'une salle pénale, bien évidemment. Mais en dehors de ça, pour tous les choix des matériaux, des teintes et autres, ils n'ont été absolument pas directifs. Et c'est une chance parce que d'abord le projet était déjà assez complexe, on avait déjà beaucoup de contraintes et finalement on a pu exprimer librement. Et je crois qu'en plus, alors la pige avait aussi bien sûr des directives, on est allé visiter des salles de OTGI des Batignolles, donc on avait aussi on va dire un petit peu des éléments en tête sur la salle d'audience en 2021. Voilà. Est-ce qu'on peut rentrer dans la salle ? Alors, Béatrice Mouton, on est dans la salle. Alors, le matériau principal, en termes de bois, c'est le bouleau. Oui. Pourquoi le bouleau ? Le bouleau, parce que c'est un matériau qui était... D'abord, c'est le bois représentatif toujours de la justice, mais surtout son aspect beaucoup plus clair et beaucoup plus contemporain. En plus, il est juste naturel et juste verni. Et surtout, il se marie très bien, vous le voyez, avec la tonalité des pierres, qui est elle aussi dorée, un petit peu miel. Et donc, ça fait un mélange qu'on avait trouvé intéressant et douce, le choix de cette essence. Un mot sur les tables, pareil, donc en bouleau, légère inclination, vous disiez le côté lisse. Oui, tout à fait. Mais donc tout est traité dans le même matériau, vous le voyez, aussi bien les bancs de l'auditoire, le prétoire et également toutes les assises pour les avocats. Donc c'était aussi un souhait d'uniformiser l'ensemble et de donner, vous voyez, la profondeur de la salle est quand même assez marquée, elle fait près de 50 mètres de longueur, et ne pas donner de relief ou d'accentuation qui sont un peu différentes suivant l'emplacement, et qu'on ait une vision très homogène. Vous parliez de côté miel, c'est une espèce de camaïeu de beige marron, en fait, cette salle. Ouais. Est-ce que vous imaginez maintenant cette salle comme une ruche ? Ah non, je n'ai pas pensé à l'idée de la ruche, mais effectivement, oui, ça peut être une bonne idée. Bah, c'était reprendre aussi les couleurs de la salle d'origine, qui sont effectivement avec au sol une pierre de Bourgogne, une pierre qui est assez blonde, et puis quelques éléments qui sont plutôt rouge foncé, on va dire. Et donc c'était effectivement rester dans ces tonalités plutôt douces et apaisantes. Et donc vous avez gardé ces deux grands chauffages. Oui, tout à fait. Qui sont un peu comme des gardes, en fait, dans la salle des pas perdus. Oui, tout à fait. Bon, il se trouve que là aussi, c'était des questions qui ont été longuement débattues, à savoir est-ce qu'on pouvait ou non les enlever. C'était compliqué techniquement, coûteux, et donc effectivement, on les a intégrés, et ça fait aussi un petit rappel pour comprendre que dans cette salle, bien évidemment, l'ambiance est différente de celle du palais de justice en général, mais qu'on est quand même aussi dans le palais de justice. Entre le plan et là, la livraison qui a été effectuée de cette salle, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé, on pourrait dire, dans la salle et aussi à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a des choses, des émotions qui sont arrivées, des choses peut-être qui ne sont pas liées à la profession, mais à votre regard aussi par rapport aux événements et de concevoir cette salle d'audience pour cette jeunesse qui a disparu en novembre 2015? Alors, je dirais qu'on a été plus... reprojeté dans les événements au moment de la conception, effectivement, plus que maintenant au moment de la réalisation. Bon, c'est peut-être aussi le processus qui est assez long, bien que entre le moment des études et la livraison de la salle, il s'est déroulé moins de 2 ans, ce qui est quand même très très court comme délai, surtout avec l'interruption du Covid. Mais malgré tout, bon, il y a le sentiment aussi, le soulagement, un peu pour nous en tout cas, d'avoir pu livrer le projet dans les délais et surtout que le projet convienne, satisfasse le commanditaire. C'est ça qui était important. Et je pense que si les magistrats ont bien perçu cette salle, nécessairement, clairement, ceux qui vont s'y trouver seront aussi s'y trouveront bien et dignement reçus. C'était vraiment important. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu vers le box des accusés? là, ce matériau, j'imagine, par balle. Oui, tout à fait. C'est du vitrage, plusieurs feuilles de vitrage qui effectivement sont destinées à protéger, bien sûr, les accusés ou inversement aussi le public de toute agression, tout en maintenant le maximum de visibilité, bien entendu, pour les magistrats, pour voir les accusés. Donc c'est une cage de verre. Oui, c'est ça, qui est très importante, puisqu'effectivement, elle a été conçue pour 12 accusés, qui chacun ont deux escortes. Donc ça fait près de 40 personnes dans un box, ce qui était une dimension pas courante. Juste devant eux, des strapontins, toujours dans les mêmes teintes, pour la défense. Oui, c'est ça, oui. On a opté pour les strapontins. Bon, c'est un système qui a déjà été mis en place au sein des palais de justice, notamment au Batignolles, et on avait trouvé que c'était intéressant. Ça permet aussi de gagner de la place, et c'était ça, surtout l'objectif. Parce qu'effectivement, avec le strapontin, vous pouvez plus facilement réduire l'espace, puisqu'il y avait aussi des exigences fortes, bien sûr, sur le nombre d'avocats, de la défense, et au total on doit avoir près de 2x30 avocats de part et d'autre. Donc, progressons un petit peu vers le cœur, on pourrait dire, de cette salle d'audience. Là c'est la barre. En fait, il n'y a pas de bar, un ersatz de bar. Oui. C'est effectivement plus symbolique qu'une. Mais c'est, voilà, ça a été défini aussi avec le ministère de la Justice sur les nouveaux codes ou figures imposées des salles d'audience actuelles. Ben, on a un écritoire, voilà, pour poser bien sûr des documents, transparent, le micro, et puis il est juste posé comme sur un petit portique, effectivement, qui vient juste reposer, parce que il fallait là aussi des choses légères. On est sur un faux plancher, vous voyez, qui est légèrement surélevé par rapport à l'auditoire, et puis encore 3 marches pour la partie des magistrats, et donc il fallait juste venir se poser et s'ancrer sur le plancher, mais sans toucher toujours au sol d'origine en pierre. Est-ce que le mot transparence, transparence du box, transparence de l'écritoire, c'est un mot important ? Est-ce que ça veut dire aussi que la justice va être transparente dans ce procès ? Oui, sans doute. Et dans les directives qu'on avait eues, c'était aussi de faire venir la lumière naturelle. Alors, c'est pas facile. On a essayé, vous voyez, à travers, dans le fond du prétoire, d'avoir cet élément en polycarbonate qui diffuse un peu de lumière. Mais c'est un élément important maintenant dans la conception des salles d'audience, avoir de la lumière. Et effectivement, c'est sans doute aussi en lien avec le souci de transparence et de clarté qui est attendu par le public. Alors, tranche dans ce décor les fauteuils noirs, oui, qui symbolisent un peu l'ordre. Oui. Hein, on voit la place du président, ouais, ses assesseurs, toute la cour, j'imagine les procureurs. Enfin, là, tout d'un coup, il y a une espèce de solennité un peu dure. Le côté noir tranche franchement avec le côté miel. Oui. Alors, c'est pas tout à fait noir, c'est un bleu marine, mais effectivement, on le perçoit un peu plus comme noir. Bon, dans l'usage, les personnes seront là, donc elles sont aussi, elles aussi, vêtues de noir. Donc, finalement, c'est là, on n'a pas changé les codes de la justice. Et je pense qu'effectivement, il fallait qu'il y ait aussi un appel, parce que quand on est au fond de la salle, il y a une certaine distance et que la visibilité soit aussi bonne sur les magistrats. À droite de la barre, à nouveau un box transparent, c'est pour les scellés, j'imagine. Oui, tout à fait, c'est pour les pièces à conviction. Donc là aussi, il faut qu'elles soient visibles, bien sûr, et sécurisées. Et donc si on se retourne, Béatrice Mouton, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 écrans noirs au-dessus du public. Des travées de bancs qui sont un peu disjointes. Oui, alors ça, les travées qui sont disjointes, c'est pour laisser la place aux handicapés, aux personnes handicapées. Donc, on est allé, et là, à la demande de la pige, au-delà du nombre de personnes handicapées qu'il fallait normalement accepter, puisqu'il y a des normes. On est allé au-delà parce que, malheureusement, il y aura effectivement un certain nombre de victimes qui sont handicapées. Et donc, ces places sont destinées aux personnes handicapées qui ne peuvent pas s'asseoir sur des bancs. Et donc au-dessus, la régie, est-ce qu'il y a eu des contraintes là très particulières par rapport à la régie, sachant qu'il y a 8 caméras, 50 micros prévus dans la salle? Oui, c'est contraignant pour la partie acoustique et c'est contraignant aussi pour la lumière, puisque pour une retransmission, il faut une lumière assez blanche, qui est la lumière la plus proche de la lumière naturelle et intense. Donc effectivement, c'était des contraintes qui ont été prises en compte et qui étaient importantes. Est-ce que, on va dire, la citoyenne que vous êtes, Béatrice Mouton, va venir peut-être dans le public assister à une journée d'audience pour voir comment vous sentez les choses, vous sentez la salle, vous inscrivez-vous dans cette histoire, puisque vous avez été témoin, comme beaucoup de Français et de Françaises, de ce qui s'est passé. Puis là, vous vous inscrivez un peu plus dans l'histoire, puisque vous concevez cette salle. Est-ce que vous auriez cette curiosité-là ? Oui, on l'a, et même ma collaboratrice principale qui a essentiellement travaillé sur le projet aussi. Voilà, parce que je crois que chacun avait aussi par rapport à ces événements, son histoire, des gens qu'ils ont connus de près ou de loin, qui ont été dans la salle, touchés. Donc oui, on viendra pas au moment, au début ou à la fin où il y aura beaucoup de monde, mais oui, bien sûr qu'on viendra voir comment c'est la vie. Ça, c'était hier, avant-hier, Noël Ehrenschmidt. Mais plus récemment, vous êtes revenu dans la salle des Pas Perdus et racontez-moi ce que vous aviez découvert, là, quelques semaines. C'est même pas il y a quelques semaines, oui, c'est il y a 10 jours. J'ai eu la chance de pouvoir revisiter cette salle des Pas Perdus telle qu'elle a été transformée. Donc en salle d'audience pour le procès. Et c'est un choc terrible. Et là, je me suis dit... Là, ma vieille, tu vas faire comment pour arriver à dessiner ce nouveau lieu encore plus complexe qu'avant? Mais comme c'est un challenge, ça m'amuse à l'avance et je n'ai de cesse de penser à comment je vais pouvoir me sortir de ce nouvel exercice. Une salle d'audience sur mesure. Avec Jonathan Humez, directeur de programme au sein de l'Agence pour l'immobilier de la justice. Christophe Bottineau, architecte en chef des monuments historiques. L'architecte Béatrice Mouton. La reporter aquarelliste Noël Ehrenschmidt. Julien Quéré et Julien Eutti, conseillers à la Cour d'appel de Paris. Remerciements, Magali Taupin du ministère de la Justice. La série documentaire, mixage Cédric Chatelus. Réalisation Julie Béressi, un documentaire de Michel Pomarède. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à la conciergerie, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, un procès filmé pour les archives nationales. Mais en attendant, restez à l'écoute.